Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... Moi, ce que j'ai pas envie, c'est qu'on nous raconte des carabistouilles. Et bon, on sait bien que... Enfin, on, c'est qui ce on? On sait bien, ben, j'aurais tendance à croire que c'est moi et d'autres, quoi. Il n'y a pas que moi, il y a aussi les autres, je suis pas toute seule. On nous raconte des carabistouilles, voilà. Est-ce que c'est depuis aujourd'hui qu'on nous raconte des carabistouilles? Bien sûr que non, évidemment que non. Et donc, l'idée, c'est de se dire que demain, si on entend dans les médias, je vous annonce que lundi matin, vous devrez prendre le train plutôt que votre voiture, alors que, oui, on sait bien que le train, c'est mieux que la voiture, parce que ça pollue moins, paraît-il, hein. Après, moi, je m'y connais pas super bien non plus, mais comme ça, sans savoir... On aurait tendance à dire que la voiture, c'est vraiment, vraiment pas bien. Et que le train, c'est mieux. Et donc, je continue ma petite histoire. Lundi matin, on nous apprend par les médias que vous devez prendre le train et pas votre voiture. Et comment vous allez faire, vous qui habitez... vous qui habitez... Que c'est difficile, quoi, de pas prendre la voiture parce qu'il y a le petit à aller chercher. Enfin, voilà. C'est pas que cette personne qui prendrait cette voiture, elle est pas bien. C'est qu'elle a été habituée, c'est que son organisation est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Ce que je veux dire, c'est que j'espère qu'on, je suis pas toute seule, ben qu'on va pas. On va pas réussir à faire en sorte qu'on ait plus de pensée, quoi, qu'on peut. Tout doucement nous pousser par là parce que c'est la bonne direction, parce que c'est plus rentable, parce que ça fait marcher mieux l'économie, parce que, enfin voilà, je suis hallucinée, moi, d'entendre par exemple une publicité sur RTBF, la première, la publicité, vous savez, je n'écoute pas beaucoup cette radio, je l'allume et du coup, ça me frappe, ça me choque, j'entends. Et c'est une publicité pour dire que c'est bien de regonfler ses pneus, quoi. C'est chouette de regonfler ses pneus, enfin, ça permet de moins consommer, ça nous fera gagner de l'argent. Vous voyez, j'ai l'impression que tout ce qu'on peut penser, dire, mettre en œuvre, c'est d'office que ça va nous faire gagner de l'argent. Je dois aller faire pipi je suis dans la rue, je me promène, je dois aller faire pipi, je rentre dans n'importe quel endroit où il y a moyen, où il y a des toilettes, et je suis remballée parce que c'est privé, parce qu'il faut consommer, parce que... Oh, mais ça, c'est dingue comme monde qu'on nous prépare, là. Donc, l'idée centrale, c'est de se dire que tout n'est pas économique. Et donc, si tout n'est pas économique, eh ben, il faut mettre en avant tout l'autre aspect, quoi. Et il faut le pousser bien fort et allons-y, quoi. Donc, tout n'est pas économique. Voilà. Allez, go, c'est parti. Donc, ici, on est au campus de l'Université de Lille. Voilà. Autour de la table, et c'est ça, on ne voit pas en radio, donc on peut citer vos prénoms? Oui, moi, c'est Anne. Julie. Patrice. Christopher. Qui va lancer le sujet du pourquoi vous êtes là ? Allez. Alors, on vient de parler de l'événement national Fête de la Science, qui est un événement qui est organisé chaque année en France. Cette année, c'était la 23e édition. Et donc, à cette occasion, les laboratoires d'un LabEx, qui s'appelle le LabEx Kappa, ont monté un événement type enquête scientifique autour du pic de pollution aux particules qui est survenu le 14 mars 2014 en France. Et marrant, nous aussi en Belgique, on a eu des soucis. C'était avec le nord de la France et Bruxelles, c'est pas si loin. Hein. Dans 2 heures, si je me trompe pas, on y est. Quoi. Donc 2 heures, en termes de pollution, c'est rien. Hein. Et donc chez nous, sur l'autoroute, il y avait des panneaux lumineux pour dire de rouler moins vite. Et à Bruxelles, c'était dans l'air, c'est dans les médias aussi. On a beaucoup parlé de ça, ça a pris de l'ampleur. Moi, ça m'a fait peur. Mais je n'avais pas entendu convenablement. Mais c'est la 23e année que... Que la fête de la science est organisée, ouais. Elle a commencé, l'événement a commencé à être organisé en 1991. J'ai fait le calcul tout à l'heure. C'est balèze, ça. Et vous savez un peu les fêtes qu'ils mettaient à l'honneur, puisque là, la fête, c'est les particules, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous êtes renseigné un peu sur pour voir l'historique ? En fait, chaque année, a un thème scientifique. Cette année, c'était l'année de la cristallographie. Et en fait, ensuite, chaque région va décliner un thème. Et cette année, en région, c'était lumière-matière. Donc pour nous, en fait, qui étudions les particules dans l'atmosphère, notamment la manière dont elles réagissent avec la lumière pour pouvoir les quantifier, les mesurer, c'était un sujet en or. On rentrait complètement dans le thème. Par contre, vous citez d'autres thématiques des années précédentes, je ne pourrais pas. Je sais. Quelqu'un autour de la table ? 50 ans du laser, toutes ces choses-là, mais après, je ne sais pas. Souvent c'est des fêtes qui viennent pour les collégiens, les primaires, tout le public-là. Et du coup, en fait, sur les publics universitaires, ils sont un peu moins... invités sur ces événements-là souvent. Enfin, moi, quand j'étais étudiant, je me sentais peu intéressé par ces événements-là. Enfin, pourtant, ça, je suis sûr que ça m'aurait plu, quoi. Mais pourquoi ? J'ai pas compris. Je sais pas. Souvent, on se dit, oh oui, c'est pour les enfants, on n'y va pas. Ça va être pénible. Ça va pas m'intéresser. Alors que bon, moi, maintenant que j'y ai participé, je sais qu'en fait, j'ai trouvé ça personnellement ludique, pour ma part, alors que j'étais dans les animateurs, et c'était sympathique, quoi, alors que j'ai raté quelque chose à ne pas aller aux précédentes fêtes. Enfin, ça, c'est mon avis. Il y a des animateurs, donc des scientifiques qui travaillent dans les laboratoires, qui ont animé l'événement et qui sont revenus vers moi en disant qu'ils avaient découvert certains aspects des recherches des autres laboratoires, en fait. Et, comme quoi, par exemple ? Bah, les un truc concret qu'on comprenne. Les activités de microscopie du laser, par exemple. C'est un laboratoire qui est sur le campus. Et en fait, j'ai l'impression que plus on se spécialise, finalement, moins on va s'intéresser aux thématiques générales qu'il y a autour. Et là, c'était aussi l'occasion de faire une sorte de communication en interne, parce que les gens ont pu découvrir des thématiques de leurs voisins. Ok, et des choses concrètes, j'imagine, alors, puisque vous dites que c'est un peu comme pédagogique, éducatif, ou donnez-moi quelque chose de concret que je puisse comprendre. Par exemple, avec Patrice, nous, on animait un stand qui était « Pourquoi la visibilité diminue pendant un événement de pollution ?» Et donc, là, on mettait en évidence l'action des particules, les aérosols, qu'on appelle des aérosols dans l'atmosphère, sur diminution de la visibilité, en fait. Donc, en fait, ces particules, elles interagissent avec la lumière comme un écran quand elles sont en grand nombre dans l'atmosphère. Et donc, par exemple, la lumière provenant d'un objet à une certaine distance ou d'une personne, on la voit, on en reçoit moins, donc on le voit moins bien. Comme quand on se promène dans un brouillard, quelqu'un peut être à 2 mètres de nous, on le voit pas, et plus il s'approche, plus on va le voir. En fait, c'est parce qu'il y a de moins en moins de particules, d'aérosols entre nous et cette personne, qui fait qu'on reçoit plus de lumière qui vient de lui, et lui vice-versa, hein, ça va dans les deux sens, et donc on se voit mieux. Et donc là, nous, on s'amusait, je dis s'amuser parce que c'était amusant, quoi, à leur expliquer ce phénomène qu'on appelle la diffusion de la lumière, en fait, avec les aérosols présents dans l'atmosphère. Et donc on avait mis en place deux activités sur cette thématique là pour leur mettre pour faire voir concrètement, en fait, ce qui se passait. Donc là, je sais pas, Patrice, tu veux pas parler un peu des petites expériences qu'on a faites? On avait mis en place deux expériences. Donc la première, on avait une cuve remplie d'eau dans laquelle on avait placé une petite fève, et on avait aussi une source lumineuse, donc qui était en fait qui représente le soleil. Et l'eau, t'as oublié de dire que on assimilait cette cuve remplie d'eau à l'atmosphère, en fait. Hein. Une atmosphère propre, et on pouvait remarquer que quand on regardait au travers de la cuve, que la petite fève, en fait, on l'observait distinctement. Et si maintenant on mettait donc des aérosols, enfin de la pollution dans notre atmosphère, donc nous dans notre cas on avait mis du lait, on pouvait observer que la petite fève, on l'observait moins bien. Et ça, c'était dû au fait qu'on ait ajouté de la pollution dans notre eau, et les rayons qui provenaient en fait de notre petite fève étaient déviés par cette pollution, et au final on avait moins de rayons qui parvenait jusqu'à notre œil, et ce qui faisait que la petite fève, on la voyait moins bien. En fait, on avait une moins bonne visibilité. Et du coup, en fait, les enfants, hein, parce que c'était majoritairement un jeune public, ils pouvaient voir indirectement ces particules dans notre atmosphère qui était là de l'eau, hein, et pouvaient un peu plus comprendre de façon plus tangible ce phénomène qui est la diffusion de la lumière par les aérosols. Et donc on s'amusait comme ça à faire des jeux de questions-réponses, comme on leur avait défini auparavant la diffusion de la lumière. On essayait de voir s'ils comprenaient, on jouait tout le temps sur la question-réponse, on posait toujours, en fait c'était toujours la même question, on attendait toujours la même réponse. Et au bout de trois fois, bon, ça va, ils répondaient, il y en a, ils répondaient au tac, mais ça allait, quoi. Ils étaient bien, bien réceptifs, bien intéressés aussi. Enfin, on s'attendait un peu à ce que les enfants, enfin, ils viennent parce que bon, c'est l'occasion de faire une sortie avec les copains, de ne plus être en cours, quoi. Mais non, en fait, bon, ils étaient assez réceptifs, intéressés, et puis c'était plaisant, quoi. C'était plaisant. Didactique. Si on peut dire ça, oui. Oui, parce que, pareil. Alors, en plus, il y avait un questionnaire, si je me souviens bien, pour chaque stand. Du coup, ils avaient une petite question, et à la fin, ils devaient répondre. Et il y avait je ne sais plus exactement comment ça se déroulait. Ils faisaient les 5 stands, et ensuite à la fin ils allaient voir sur un poster leur réponse. Je sais plus. Oui. On prenait 10 minutes de conclusion à la fin, où on corrigeait le questionnaire qu'ils avaient pu remplir, et on répondait aux questions qu'ils avaient éventuellement en plus. Ouais. Mais c'est vrai que le public qu'on a reçu était très réceptif. Et je pense que c'était notamment parce qu'on parlait de ce pic de pollution qui a été relayé par les médias et qui avait choqué. Donc il y avait on a eu une personne, un enfant, je m'en rappelle, qui avait été un peu choqué par l'événement. Quel âge ? Aux environs. Hein. C'était un collégien de 4e. Donc 14-15 ans. Ouais. Parce qu'en vous écoutant comme ça fait un peu, c'est marrant, on a quand même un fait qui est là, donc, et encore, ce fait, justement, j'ai envie de le discutailler, dans le sens où, voilà, un jour on se réveille, il y a des particules dans l'air, attention pollution, attention faut rouler moins, attention danger, ça c'est d'un côté, et puis de l'autre... vous qui faites des études scientifiques, on va dire, dans le domaine, hein, et on en fait un outil d'amusement pour comprendre le monde. Qu'est-ce que ça raconte, ça, ce que je vous... D'un côté, donc, vous voyez, on parle de pollution, on pourrait se dire « Ouh, loulou, attention, je vais mourir, je vais être malade, je ne vais pas être bien, je dois rouler moins vite. » Vous voyez, ça crée du stress. Et de l'autre, on crée un outil d'amusement pour comprendre ce stress. Vous comprenez un peu enfin, comment vous voyez la chose? Alors, bon, d'abord, nous, notre but, c'était de décomplexer le phénomène aussi, de ne pas rester sur le choc, entre guillemets, parce que c'est vrai que les médias ont eu tendance quand même à culpabiliser les gens ou à choquer. Nous, ce qu'on voulait, c'était expliquer le pourquoi du comment et voilà, et comprendre et sensibiliser, du coup, aussi. Mais quand je parle de vous ici, et oui, vous trois, vous quatre, mais j'ai se poser des questions au-dessus, c'est-à-dire qu'on donne les moyens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vous, votre travail, votre manière d'avoir mis les choses en place, c'est plutôt... Il faut essayer de se situer un peu d'un point de vue global. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Au fond, moi, je participe à un atelier, à des outils pour faire comprendre le monde scientifique avec cette particularité qui est pour le moment la pollution, les particules et le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas vous. Et je vous demande des questions plus en hauteur ou alors en dessous, mais à quoi vous jouez, quoi, en quelque part? Est-ce que vous vous rendez compte à quoi... vous voyez, je veux bien répéter. Hein. D'un côté, il y a le stress de... Enfin, imaginez, ok, c'est les médias, mais ça, c'est aussi dans du concret. Ça veut dire qu'on vous demande de rouler beaucoup moins vite sur l'autoroute, que on n'y connaît rien, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Tiens, il y a une pollution comme ça, subite, d'un coup, on se réveille. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça vous raconte? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Quand on comprend quelque chose, on en a moins peur. Enfin, ou alors on fait en sorte de l'éviter pour pas s'y retrouver en face. Après, nous, est-ce que là vous disiez, on joue, enfin, c'est pas vraiment un jeu, quoi. Enfin, c'est un jeu. Enfin, pour moi, la science c'est comme un jeu parce que je m'amuse avec mes lasers et tous mes et mes instruments, quoi. Enfin, à améliorer tout. Enfin, on cherche toujours à améliorer ce qu'on sait déjà, en fait. Hein. Et approfondir aussi, et donc on cherche à comprendre, en fait. Nous, on cherche à comprendre, et puis après, et à transmettre. Enfin, là, la fête de la science, c'était ça, c'était de transmettre ce que l'on a compris, hein. Et donc un peu faire voir, on fait pas de la recherche fondamentale. Ça, c'est une petite partie de la recherche, mais une grosse, grosse partie qui est surtout... en rapport avec ce qu'on vit tous les jours, comme là, c'était la pollution, donc ça, c'est un rapport fort, quoi, je veux dire. Quelqu'un a à dire là-dessus? Non, je suis d'accord avec Christopher. En fait, nous, on s'est amusé à créer des dispositifs pédagogiques. Après, pour eux, on a essayé de faire en sorte... Qui, eux? Notre public, les participants, on a essayé de faire en sorte que ce soit interactif. Parce que, bon, selon moi, plus c'est interactif, plus on va s'en rappeler aussi, plus, voilà, plus ça... Mais ça, je suis bien d'accord, hein, vous ne comprenez pas bien, peut-être, le recul que j'essaye qu'on prenne ensemble, c'est-à-dire que, oui, vous avez votre mission, vous avez mené des ateliers, c'était didactique, c'était... Bon, comment expliquer la chose? Bon, d'abord... On va prendre les choses autrement. Est-ce que c'était grave, ces particules dans l'air? Est-ce que vous pouvez, est-ce qu'on pouvait en mourir? Est-ce que si on roulait plus vite, ça crée, enfin. Je pense que en mourir, là, quand même, c'est un grand. Enfin, pour les gens en bonne santé, en mourir, je pense pas. C'est pour les gens qui ont déjà des problèmes respiratoires, les gens malades, quoi. Hein. Que eux, ça peut accentuer leurs difficultés. Et donc là, oui, ça peut entraîner des difficultés. Qui peuvent être plus ou moins graves, quoi. Mais pour on va dire pour le monsieur tout le monde, il n'y avait pas l'événement de pollution sur les jours que ça s'est passé, comme c'est un temps relativement court, si c'est tous les jours, oui, mais bon, le temps d'exposition était relativement court, on va dire, à l'échelle d'une année, hein, donc après, est-ce que c'est grave? C'est difficilement quantifiable, enfin, ça, la gravité, c'est dur à dire. Voilà, ça va vous tuer, ça va vous faire du mal, ça va vous enlever des années de votre vie. Non, mais c'était au point que les médias, alors là, c'était au point où... Enfin, c'était quand même un truc balèze, hein. C'est comme si demain, C'est comme si demain on disait, via la radio, les médias, je sais pas moi, il y a dans l'air, quelque... là évidemment que ça tuait pas, évidemment c'est risible, évidemment. Mais imagine maintenant si, enfin voilà, l'être humain il maîtrise pas tout. Enfin, voilà, je comprends pas bien en fait, d'un côté ça prend une ampleur au point d'en parler dans les médias, et de l'autre, oui c'est grave, mais c'est pas grave, c'est grave pour ceux qui sont déjà touchés. Tu vois, je comprends pas bien. Bah, disons qu'en fait, la pollution en fait il y en a tout le temps. Mais c'est juste qu'on a défini des seuils, et à partir du moment où le seuil qu'on a défini est dépassé, on dit qu'on est dans un épisode de pollution. Et au mois de mars, disons, enfin, je ne connais pas les chiffres, mais je pense qu'on avait vraiment dépassé le seuil, et je pense que c'est ça qui a dû, entre guillemets, effrayer les médias, parce qu'on avait surdépassé le seuil. Ça fait du sensationnel aussi, hein, pour les médias. Hein, donc ça fait acheter les journaux, allumer la télé, vendre... ça devient aussi une industrie business, hein, la pollution. Hein. Il y a des gens qui font de l'argent avec ça, quoi. Ils vendent des je sais plus comment ils appellent ça, là, pour assainir l'air ambiant, toutes ces choses-là. Alors que ces appareils-là, leur efficacité, j'aimerais bien voir comment ils l'approuvent. Hein. Je serais curieux de savoir ça. Mais, c'est un business maintenant, la pollution. Donc pour ces gens-là, ils se frottaient les mains pendant cette période-là. Hein. Donc, et puis les magasins, tout ça, ça se vend à la Darty ou n'importe quel magasin d'électroménager, ils vont vous vendre des choses pour assainir l'air, même en pharmacie peut-être, hein, et l'efficacité. Après, est-ce qu'elle est prouvée derrière? On peut toujours faire voir des belles courbes avec voilà, il y avait cette particule avant, et après il n'y a plus que ça. Voilà quoi, c'est facile à produire. Après, ce qu'il y a derrière, je ne sais pas, mais... Après, c'est vrai que comme disait Patrice tout à l'heure, on a dépassé le seuil, et ce genre d'événement de pollution, quand on dépasse le seuil à ce point-là, n'arrive pas si souvent que ça. Donc c'était l'occasion d'en parler dans les médias et de choquer, oui, mais du coup d'en parler aussi. Parce que donc cette pollution, comme disait Patrice à nouveau, elle est là, elle est résiduelle, elle existe de plus en plus. On voit tous les images de Pékin sous un brouillard constant. Et en fait, il est clair qu'il faut diminuer ces productions de particules. Et ce pic de pollution était l'occasion d'en parler. Après, c'est vrai que les médias en ont peut-être beaucoup trop parlé. Mais pour nous, c'était l'occasion d'en parler et de sensibiliser. Bon, ça a fait de la publicité pour la particule, quoi. Enfin, on en parlait, on pouvait un peu se pencher dessus. Mauvaise publicité pour ceux qui roulent avec les diesel ou ceux qui prennent pas les transports en commun. Il y a aussi le fait de dire, ah bah oui, mais regardez, vous prenez votre voiture, c'est de votre faute qu'il y a de la pollution. Alors qu'en fait, il y a plusieurs choses qui font que ça devient un événement de pollution, hein. Et ça joue aussi avec ça. Donc, entre guillemets, on peut profiter du fait que tout le monde puisse voir cette pollution, hein, qui est, comme on dit, toujours là, présente à l'intérieur des maisons. Maintenant, on parle beaucoup de la qualité de l'air intérieur, toutes ces choses-là. Mais la qualité de l'air extérieur, on en parlait aussi avant, mais elle est toujours présente, qu'on soit dehors ou à la maison. Et ce genre d'événement majeur, ça fait que... On peut dire aux gens, voilà les conséquences de vos actions, voilà à quoi ça peut mener tous les jours si vous continuez de faire ce qu'on vous dit de pas faire, quoi. C'est aider à prendre conscience du danger, quoi. En prenant conscience du danger, éventuellement on pourrait réduire ces phénomènes, les faire disparaître, les réduire a fait diminuer... On entend plein de bruit parce qu'on est dans une cafette comme ça, culture, qui s'appelle Café Culture, et voilà, ça déménage. Mais je te laisse finir. Du coup, j'ai perdu mon fil. Quelqu'un a envie de rebondir sur ce que dit... Oui, bah, je pense que le pic, à nouveau, c'était l'occasion d'en parler. Après, il y a des études statistiques qui sont réalisées et qui révèlent que ces particules sont dangereuses pour la santé. L'OMS a classé les particules, c'est les particules de diesel, il me semble, mais je ne suis pas sûre, cancérigènes. Donc en fait, il y a des études qui sont réalisées et qui montrent que c'est dangereux pour la santé. Effectivement, un pic de la sorte, c'était l'occasion d'en parler. C'est juste une occasion de sensibiliser à nouveau. Mais ce qui est marrant, en fait, moi, je me souviens qu'à ce moment-là, il y a eu... C'était à Paris que j'ai eu l'info. On a demandé aux gens, puisqu'il y avait ce pic de pétrole et que ça crée vraiment... Enfin, moi, personnellement, je trouvais ça marrant. Voilà, j'avoue, ce pic de pétrole, on dit, qu'est-ce que ça cache? Voilà, c'est souvent... Tu dis? Vous dites pétrole, mais c'est pollution. Ah, le pic, oui, je me trompe avec le pic de pétrole, oui, le pic de pollution, pardon. Et donc, avec ce pic de pollution, ça prend de l'ampleur dans les médias. Tu te demandes, enfin, je me suis demandé qu'est-ce que ça cachait, quoi, pourquoi ça prend de l'ampleur comme ça. Et alors, ce qui était marrant aussi, c'est que les jours qui ont suivi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais on demandait aux gens de plus prendre leur voiture un lundi matin. Avec des plaques impaires, paires. Enfin, je me suis dit, mais c'est dégueulasse, quoi. Ça veut dire qu'on culpabilise la personne, enfin l'individu. C'est lui qui doit. Alors que bon, c'est un lundi matin, s'il a des gosses qu'il doit conduire à l'école, machin. Enfin, ça crée toutes sortes de stress. J'ai trouvé ça pas juste parce que voilà, il y a ce pic de pollution, il y a les médias qui, attention, et alors on culpabilise surtout l'individu, et on sait bien que c'est à l'échelle, je veux dire, c'est à grosse échelle qu'on peut changer les choses, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, c'est trop facile, quoi. C'est pas monsieur, madame, tout le monde, ça, ben, c'est aussi facile que de dire que c'est à grande échelle, quoi. C'est parce que, enfin, ces mesures-là, elles sont prises, c'est pour pas aggraver la situation, parce que Il y a un phénomène météorologique qui se cache aussi derrière ce pic de pollution. Pourquoi on la voit là et pourquoi on ne la voit pas habituellement? C'est parce que la pollution qu'on émet, en fait, elle est bloquée. Et du coup, elle reste là. Alors qu'habituellement, elle part. Donc, on ne la voit pas. Donc, les gens peuvent continuer. On ne la voit pas parce qu'elle est en moindre quantité. Et donc... Je voyais que tu réagissais super fort quand je disais ça. On attaque les individus, on n'attaque pas les grosses entreprises. Enfin voilà, les gens qui ont vraiment du gros pouvoir. En France, entre autres, elles ont déjà des normes à respecter en termes d'émissions, etc., etc. C'est ce qu'on dit, hein. Enfin, c'est vrai. Hein, je veux le voir, moi. Enfin, parce que moi, par exemple, je suis dans un projet. Mes travaux de thèse sont dans un projet pour comprendre la formation des suies, donc l'émission de particules avec les jets, toutes ces choses-là. Et on est en partenariat avec des motoristes, Peugeot, Citroën, etc. Donc c'est ces gens-là qui nous apportent des financements pour qu'on comprenne et donc pour eux réduire cet impact-là. Hein. Enfin, ils jouent le jeu. Enfin, la plupart jouent le jeu en France. Hein. Enfin, donc c'est quelques-uns que j'ai cités. Donc ils jouent vraiment le jeu pour respecter les normes. C'est bien parce qu'il y a des... je dis pas s'il n'y avait pas de normes, est-ce qu'ils joueraient le jeu à ne pas polluer? Mais là, il y a des normes, il y a des règles à respecter, et ils font en sorte que ça marche. Et donc, et nous qui sommes à la fac, on est quand même, enfin, on est dans le public, on ne sort pas des chiffres parce qu'on a été payé par un tel ou un tel. Hein. T'as des beaux points si tu cites. Je rigole. Ouais, non, mais enfin, ce que nous on fait là sur les facs, dans le laboratoire au PC2A, on est vraiment honnête dans ce qu'on publie, quoi. Et je pense que tous les laboratoires du CAPEX, du LABEX CAPA, j'ai fait une contraction des deux. Ils sont tous honnêtes, hein. Enfin, parce que moi j'ai fait le master qui est en rapport avec ce LABEX. Tout ce qu'on me faisait voir, c'était du concret. Et quand les mesures qui sortaient, c'était toujours du concret. Certes, il y a toujours des intervalles d'incertitude, hein, qui ne sont pas forcément cités quand on en parle, parce que des fois, l'incertitude sur une donnée, elle est aussi grande que la donnée elle-même. Et du coup, on peut dire ça, mais ça veut dire que si on donne, par exemple, il y a 100 000 particules et qu'on a une barre d'incertitude qui est de plus ou moins 150 000, il y a si ça à mettre derrière, hein, parce que nous, on donne ces incertitudes-là, après, ceux qui les relaient, est-ce qu'ils les donnent? Enfin, ça, dans les médias, ils ne donnent pas. Mais là, comme un événement aussi majeur de pic de pollution, tout le monde le voit, c'est pas contestable, quoi. Quand tu dis que tout le monde le voit, moi, petit individu, je ne le vois pas. Je l'entends via les médias. Donc, les médias, je suis bien obligé. Non, mais c'est pour aussi signaler, enfin, imagine le pouvoir du média. C'est énorme. Demain, ils annoncent, je ne sais pas tout quoi qu'il y a dans l'air, vous ne prenez plus votre voiture, ben, on le fera. Vous vous rendez compte de... Donc, En fait, je voulais juste revenir sur le fait qu'on culpabilise les individus avec ces messages sur l'autoroute. En fait, ces mesures, elles sont prises pour diminuer la quantité de particules qui sont produites. Après, c'est vrai que je ne suis pas spécialement pour culpabiliser l'individu, mais je pense que pour avoir une action globale, il faut que chaque personne agisse à son échelle pour qu'ensuite, globalement, on puisse avoir un effet. Si on espère que c'est le voisin qui fera l'effort, jamais on changera les choses. Après, au niveau du pic, en fait, il y a des analyses qui ont été effectuées, et notamment par le laser, des analyses microscopiques qui analysaient les particules, la nature des particules. Et il se trouve que la majorité des particules étaient des particules de suie de chauffage. Donc, en fait, le pic est survenu en mars, à une période où il faisait très froid, et donc les gens se chauffaient et donc émettaient beaucoup de particules. Et c'est pour ces particules, voilà. Ils sont bêtes, ces gens, de se chauffer, quoi. C'est vraiment. Non, alors bien sûr, on veut pas dire qu'il faut arrêter de se chauffer, mais peut-être qu'il faut revoir, ces exigences de chauffage à la baisse. Ah oui, ça peut-être. Leur installation de chauffage domestique, hein, parce qu'il y en a, elles sont super vieilles, et donc c'est limite si c'est pas encore mettre le charbon dans l'appareil pour que ça marche, quoi. Donc, une installation. Une chaudière d'il y a 30 ans et une récente maintenant, en termes d'émissions, je pense qu'on peut raisonnablement dire que c'est pas mal. Il y a une bonne évolution dans le sens à la baisse qu'à la hausse d'émissions de particules, etc. Donc il y a ça aussi à faire prendre conscience aux gens que c'est comme les voitures. Plus elle devient vieille, plus il faut mettre d'argent dedans, moins c'est performant. Enfin, c'est question performance aussi, et puis la technique, elle s'est améliorée depuis cette époque-là, quoi. Il y a aussi toutes ces choses-là, donc. Ouais, c'est ce qu'on dit, quoi. Oui, je crois bien. Je crois que la modernité est un plus, peut-être. Et donc, qui fait que, après, c'est vrai que c'est un coût, c'est pas donné, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Il faut, parce que la recherche, c'est un coût, quoi. C'est pas donc. Pour améliorer les systèmes de les chaudières, toutes ces choses-là, il y a du travail derrière. C'est pas et puis c'est pas tiens je vais changer ça va peut-être marcher. Mais non, il y a vraiment du travail et c'est un coût assez important, quoi. Il faut pas, et donc après oui, il faut l'amortir, ce coût, quoi. Pour en revenir avec l'idée de ces gens de la culpabilité ou pas, enfin voilà, moi je pense ça. Parce qu'à la longue, je suis plus grande que vous. À la longue, on réfléchit, puis on se dit, on a déjà réfléchi comme ça. Ben oui, les gens, allez, si on était tous là, ce serait trop beau. Ce serait trop beau que les gens soient tous conscients au même moment de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. Imaginez, on est multiples. Je veux dire, toi, tu nais ici avec ta conscience. Il y a des gens là-bas qui ne pensent pas du tout comme toi. Il faudra peut-être éduquer, et vice-versa, je veux dire, les gens qui pensent d'une certaine manière, qu'ils devront, eux, t'éduquer pour que tu comprennes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc, non, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir la conscience des choses. Basta. Et que ça, c'est une chose. Le politique, d'accord, celui qui gère, il a du pouvoir de dire demain... on annonce dans les médias qu'il y a un pic de pollution, ou bien on annonce je ne sais pas quoi d'autre, moi. Mais donc, il y a du pouvoir, là, de dire on met une loi, une mesure pour que se changent les choses. D'accord ? Mais quand vous regardez les délocalisations, vous dire, OK, on ne peut pas polluer, si, mais on va aller polluer à côté. Est-ce que c'est plus malin ? J'ai pas plein d'exemples comme ça. Ça, c'est un premier exemple qui me vient comme ça. Mais je ne pense pas que c'est forcément... Les médias ont tendance à faire passer des choses sous-jacentes, comme ça. Et moi, c'est juste ça que je veux souligner, c'est-à-dire faisons gaffe. Non, c'est pas la faute de mon voisin parce qu'il ne trie pas ses poubelles. Oui, on pourrait discuter, prendre le temps pour voir s'il est conscient de ce qu'il fait, si ça... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas tout de suite le juger en disant « Ouais, c'est pas bien, il pollue ». Non, prenons le temps de la discussion, prenons le temps. Mais c'est pas... Nous, citoyens, qui mettons un petit sporadrap sur une plaie béante, vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut arrêter, je pense, de de se culpabiliser les uns les autres pour dire lequel sera mieux ou pas, mais que c'est quand même, ce sont des choix politiques qui sont mis en place, quoi. Regardons-le, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire ? Enfin, je sais pas, moi je pense que c'est pas une question de culpabilité. Enfin, je pense que c'est juste qu'on propose aux gens, on les sensibilise, on leur propose de comprendre, voilà, ce qui se passe, de leur dire que, enfin, vaut mieux utiliser les transports en commun que utiliser les voitures. Oui, mais quand tu habites en campagne et que tu as un bus, enfin, tu vois, je trouve qu'il faut arrêter de faire des phrases comme ça qui sont très courtes. Il faut pouvoir élaborer toute une pensée. Ok, celui qui prend sa voiture tous les jours pour aller travailler, qu'il doit faire 5 km, est-ce qu'il ne les ferait pas sans sa voiture? Tu vois, il faut je trouve, avoir une pensée, pas simplement, tu as une voiture, c'est pas bien la voiture. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais je pense que c'est pas ça, en fait, qui est souligné. C'est juste qu'une personne, s'il veut prendre sa voiture, il peut prendre sa voiture, mais s'il a la possibilité d'utiliser les transports en commun, enfin, il peut les prendre, ces transports. Il n'est pas obligé. Donc s'il ne prend pas ses transports en commun alors qu'il a cette possibilité, cette facilité de les prendre, il est, entre guillemets, coupable. Enfin, moi, je peux prendre la voiture le matin pour venir à la fac, je vais mettre 20 minutes, j'aurais pas des gens dans le métro collés sur moi, je serais plus pénal. Il n'est peut-être pas conscient. Mais oui, mais enfin, c'est le rôle de ces journées de sensibilisation, comme la fête de la science, pour aider à faire prendre conscience qu'il a un impact réel sur ce qui l'entoure. Et donc, en fait, s'il peut, on dit bien si, hein, s'il peut prendre, par exemple, ici, aller le métro plutôt que de prendre la voiture, bien que le métro, ça va être moins agréable, parce qu'il y a beaucoup de monde aux heures de pointe, etc. Alors que la voiture, il y aura aussi du monde sur la route, mais je serai tranquille dans ma voiture, je pourrai écouter ma musique, manger un truc si je veux, faire ce que j'en... Tu peux manger un truc dans le métro, hein. Ben, ça dépend l'heure de pointe, hein. Quand vous avez le ventre de madame devant et le monsieur derrière... Et tout le monde, c'est pas facile, hein. Et quand il faut rester 20 minutes debout au garde à vous, c'est pas facile, hein. C'est compréhensible que c'est pas simple, pas super agréable de prendre le transport en commun. Mais bon, après... Parce que d'une main, tu prônes un peu le transport en commun, puis tu dis quand même, c'est pas évident aux heures de pointe. Oui, mais bon, dans ta voiture, quand t'es bloqué... Bah, on peut faire autre chose, hein. Quoi, par exemple? Bah, c'est pas bien de dire ça, mais bon, on a tous nos téléphones portables. Quand on est dans les bouchons, on est tous sur nos téléphones en train de regarder les téléphones ou d'autres passionnés de musique ou je ne sais quoi. Je sais pas, mais... Mais je continue la discussion, d'accord. Vous prenez l'idée que c'est pas culpabiliser les gens, mais c'est prendre le temps avec eux de leur expliquer qu'il y a peut-être des alternatives qui existent. Ok. C'est difficile dans ce monde, hein, qui prône d'une main prenez pas votre voiture et en même temps la voiture c'est la liberté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Du coup, on laisse le choix. On est libre. On est dans un pays libre. Du coup, on laisse. Enfin, ici. Tu trouves que t'es libre? Bah, ce genre de choix, je suis libre. Hein. Je peux prendre ma voiture parce que tant que j'ai les moyens de payer, je suis libre. Attends, parce qu'on t'entend pas. Payer le métro, je suis libre de faire. Franchement, bien résumé, je trouve. Quand t'as l'argent, t'es libre. Bah, t'es libre. Et enfin, je pense que quand t'as l'argent et que tu prends la voiture et parce que tu prends pas le métro, t'es encore plus coupable que quelqu'un qui a pas le choix de prendre la voiture, même s'il a pas l'argent. Je pense que bon, et après il y a des niveaux. Enfin, je pense on peut dire qu'il y a des niveaux de culpabilité. Hein. Mais bon. Par exemple, vous auriez pas envie de vous concentrer plus, voilà, je vais arrêter après, on va arrêter avec ça. Vous auriez pas envie de plus vous concentrer plus sur le politique, sur la manière dont le politique a du pouvoir et donc il met des lois en place, plutôt que de quelque part, moi je vois ça comme ça. Regarde, je vois ça comme ça. Peut-être, je vois la fête. Oui, moi. Ah non, ça viendra plus tard, quand ce sera vraiment la merde, les gens se soulèveront, ça c'est sûr. Mais... C'est dommage d'attendre jusqu'à ce point-là, mais... C'est plus facile d'accepter quelque chose quand on comprend que d'accepter quelque chose parce qu'on nous l'impose, vous comprenez? Oui. C'est pas... Enfin, on nous dit, faut pas rouler vite parce que c'est dangereux. Et la plupart des gens comprennent quand ils ont l'accident, quoi, parce qu'ils roulaient trop vite. C'est la même ordre d'idée, quoi. Enfin, Ils ont compris parce qu'il y a eu l'accident. Alors qu'on a beau leur dire, tant qu'on n'a pas l'accident, on se dit, bah, c'est bon. Et pourquoi vous n'auriez pas envie de regarder dans ce sens-là? C'est-à-dire, il y a des gens qui gèrent le pays, qui mettent des lois en place, par exemple la loi de délocaliser ou la loi de... Bah, c'est des gens qui prennent des mesures pour que ça existe, quoi. Pourquoi on ne pourrait pas, dès demain, dire, par exemple... Et là, c'est efficace, quoi. Hein, on dit, par exemple, dans les centres-villes, bah, on n'utilise plus sa voiture, quoi. On laisse les voitures à l'extérieur. Les gens circulent à pied, à vélo... Je veux dire, c'est une mesure, demain elle est prise, c'est efficace, quoi. Hein. Pourquoi vous en voulez un peu aux gens Parce que, enfin, là, vous prenez l'exemple. Attends, ce que je voulais te dire, c'est que si, quand tu parles et que ça sert à rien, parce que, tu vois, je mets mon... Ok, ouais, ok. Parce que, par exemple, quand ils t'ont interdit la cigarette dans les bars, les restaurants, tout ça... Ça a du mal à passer, hein, alors que... C'est passé quand même, hein. C'est passé quand même. Et c'est très bien, ça. Ça dépend quel endroit où on va, hein. Il y en a, ils prennent toujours le coche, hein. Oui, il y a des exceptions à la règle, mais quand même, la loi est passée. Vous êtes d'accord, ça a eu du mal à passer. Les gens, même s'ils savent que c'est compliqué, c'est dangereux pour les autres, ils s'en fichent, quoi. Ils s'en fichent, voilà. Mais là, on s'en fout, mais la loi est passée, donc c'est une grande mesure. Allez, imaginez le pouvoir que ça pourrait avoir... Mais vous avez vu le temps que ça a mis pour que cette loi soit appliquée? Parce que je crois que ça remonte à super longtemps, hein, aux années 90. Je crois que c'est la loi E20 ou quelque chose comme ça. Et l'application, 95, enfin dans les années 90, quoi. Et donc, ça met du temps à faire accepter cette chose-là. Donc, pourtant, c'est connu de tous que la cigarette, c'est mauvais pour la santé, que ce soit le fumeur ou les gens qui respirent. Donc là, la pollution, c'est pareil, quoi. On sait que c'est mauvais pour la santé. Après, quand on se sera décidé à avoir une action, ça sera... Peut-être quand on l'aura mieux compris, hein, ce que dans la fête de la science, on essaie de leur faire comprendre cette pollution, la mise en évidence de ces phénomènes et de voir que... chacun, si on, tout à l'heure vous reprenez l'expression avec son petit sparadrap sur une plaie béante, si on prend tous notre petit sparadrap sur cette plaie béante, on va finir par la recouvrir. Hein. Mais non, parce qu'il y a des gens, moi je pense ça, c'est pour ça qu'on essaie de reconcentrer la discussion, en fait, de quoi on discute. Là, on est parti vraiment vers le politique, celui qui décide des lois, des mesures qui sont mises en place. Et puis, vous, qui travaillez en première ligne, on va dire, avec les gens, monsieur, madame, tout le monde, pour essayer de les conscientiser à quelque chose. Okay ? Et moi, en fait, je prends la position de dire, oui, c'est drôle, parce que d'une main, les médias, on sait que les médias, c'est un pouvoir, hein, qui domine. Et ben, on donne l'info aux médias qu'il y a dans l'air des particules, attention, pollution, ça alerte tout le monde, angoisse, machin. Et donc, vous, d'un côté, vous faites un atelier didactique pour les gens pour expliquer la pollution. Ah, ah, ah, c'est marrant. Je caricature, hein, je sais bien. Mais c'est sympathique, quoi. C'est plutôt agréable. C'est pas... Et moi, je demandais justement... Le côté marrant, en fait, c'était... C'était dans le fait que l'activité était drôle, hein, pas le fond était quand même concret, quoi. Mais bon, c'est, enfin, pour des enfants, c'est plus facile d'apprendre en jouant, entre guillemets, que d'apprendre monsieur parle et vous écoutez. C'est plus facile. Enfin, pour moi, je ressens ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, rappelez-moi un peu alors le fond de votre atelier, puisque ça n'a pas l'air marrant. Expliquez qu'est-ce qui n'était pas marrant, alors. Alors, ce qui était marrant, je vais commencer par ce qui était marrant. Par exemple, c'était d'observer des particules au microscope. Donc, les enfants, puisque c'était principalement des enfants, pouvaient regarder des lames avec des petites particules au microscope et comprendre la forme qu'ils avaient, la forme que les particules avaient et les différentes natures des particules. De là, on les orientait vers les particules de suie qui ont été produites pendant le pic de pollution, et on leur expliquait pourquoi elles étaient dangereuses pour la santé. Donc en fait, on partait d'une activité ludique où ils utilisaient un microscope, ils s'amusaient à regarder au microscope, et ensuite on dérivait sur les suies, on expliquait ce que c'était, quelle forme elles avaient, quelle grosseur elles ont, et on leur expliquait aussi pourquoi c'est dangereux pour la santé. Et en fait, votre animation, là, c'était tout centré sur les particules du pic pollution au mois de mars, alors? Oui, c'était sur un pic de pollution aux particules, parce que les laboratoires du LabEx Kappa sont focalisés sur les particules dans l'atmosphère. Ça. Ok, et c'était des des enfants genre 14-15 ans, c'est ça que j'ai compris ? Ouais, alors on a eu des publics très divers. On a eu des CM2. Des CM2, donc CM2 c'est 10-11 ans. Ensuite des collégiens, des lycéens, des personnes dans l'enseignement supérieur. Et on a eu également des agents du CNRS, de la délégation CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, qui voulaient connaître un petit peu les activités des laboratoires de recherche et donc qui sont venus sur les lieux pour découvrir ça. Donc des professionnels. Et ces gamins, en fait, ou ces gens, hein, on va dire ces grands-enfants et ces plus petits-enfants, au bout du bout, qu'est-ce que vous avez entendu d'eux, en fait ? Parce que ça ne doit pas être marrant non plus pour les enfants de 11 ans. Ah oui, on est en pollution, mais qu'est-ce que vous proposez aussi ? Enfin, c'est quoi le retour de ça ? Des paroles de ces enfants, en fait. Qu'est-ce qu'ils disaient ? Pendant les animations, enfin, sur notre stand, j'en ai pas vu un souffler pendant les explications. J'en ai pas vu un regarder au fond. Ils étaient super attentifs. Ils étaient intéressés en plus. Hein, ils avaient l'air de bien comprendre, parce que comme on jouait à un jeu de questions-réponses toujours, on leur expliquait d'abord, ensuite on posait la question. Avec les expériences, en fait, ça appuyait la définition, le phénomène qu'on leur avait expliqué. Et du coup, après, on reposait les questions en fonction de ce qu'ils observaient directement dans nos petites expériences. C'était concret, quoi. Ils pouvaient l'observer là directement. Et du coup, ils nous réexpliquaient ce qu'on leur avait expliqué. Et j'étais parfois surpris qu'à cet âge-là, surtout je pense pour les primaires, qu'ils sachent réutiliser correctement la définition de ce qu'on leur avait appris. Et donc, pour moi, ça voulait dire qu'ils avaient compris ce qu'ils observaient, quoi. Donc, ils voyaient ça, ils voient, et donc ils peuvent... ils nous disent... c'était sympa, quoi. Enfin, c'était sympa dans le sens que le message était passé, quoi. Enfin, j'entends... C'est le plaisir à transmettre son savoir. Enfin, pour moi, c'était ma première expérience, donc... C'était sympa de voir des élèves, on va dire, des enfants, quoi, qui comprennent ce qu'on dit. La transmission marchait, quoi, ça te plaisait bien. Et donc, pour moi, si ça marchait, c'est que après, ils pouvaient réfléchir derrière. Mais c'est comme l'idée, parce que c'est toujours bien essayer de sortir de notre discussion là, pour partir un peu ailleurs. Mais par exemple, les poubelles. Vous voyez les poubelles, trier ses déchets. Il a fallu le temps avant que qu'on comprenne qu'il y ait 3 poubelles dans la maison et compagnie et machin. Mais au bout du bout, est-ce que quelqu'un sait où ça va après tout ça ? C'est juste simple. Vous voyez ? Des fois, on agit, on est là, on se donne bonne conscience. Et moi, je suis la première. Hein, je veux dire, j'ai des toilettes sèches. Attends, je cartonne, quoi. Attends. J'ai des toilettes sèches. Donc, il y a les poubelles. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Je veux dire, c'est ça la règle et la loi d'un pays ou d'une ville ou d'un... Mais vous dites que vous avez des toilettes sèches, mais vous avez compris pourquoi vous utilisez des toilettes sèches et pas des toilettes classiques ? Mais d'abord, je ne peux pas utiliser que mes toilettes sèches. Hein. Ce n'est pas des toilettes sèches que tu transportes et que tu installes. Enfin, c'est dit, on pourrait l'inventer, hein, un truc gonflable, comme ça, quand tu vas chez les gens. Donc, j'utilise bien les toilettes publiques, les toilettes chez les amis. Donc, j'utilise mes toilettes sèches pas tout le temps. Et évidemment que j'ai bien compris, c'est-à-dire que on parle de ça, on va partir vers ce côté-là, mais là c'est de l'humour en fait, c'est pour rigoler. Mais je veux dire, il suffit pas simplement de manger ses légumes de son potager et de faire ses besoins machin et de voilà, il faut quelque chose de collectif, quoi. Et moi je parlais plus il y a la conscientisation des gens, mais ça peut être compliqué parce que des fois on parle pas la même langue, des fois on n'a pas la même culture, des fois on vient pas du même milieu social. Et donc tu peux pas juger l'autre parce qu'il fait... L'autre jour, je voyais des gamins qui discutaient sur un parking et il y en a un qui jetait un papier, mais hyper naturel, quoi. Tu étais là, mais qu'est-ce qu'il fout ? Et en fait, tu vois qu'il trouve ça ni mal ni bien, il n'a pas été éduqué, quoi, tu vois. Donc voilà, ça demande du temps, de l'éducation. Et moi je dis, à échelle plus grande, au niveau politique... on voit bien que tout est mis comme ça, un peu à l'inverse de ce qu'on aimerait, quoi. Vous voyez, que ça irait peut-être plus vite. Je pense que c'est une question qui est très compliquée, l'éducation au développement durable. Je pense que c'est chaque individu peut faire selon ses moyens et selon ses capacités. Après, effectivement, bon, c'est bien d'avoir des toilettes sèches, c'est bien de trier ses déchets, ben, continuons. Si l'intérêt... Et échelle politique, échelle plus grande, tu souhaites pas que demain, il y ait une mesure comme ça énorme qui soit prise pour vraiment changer les choses super fort? Mais pour changer les choses, c'est chaque individu qui agira à son échelle et qui finalement aura un effet global. Ensuite, je voulais juste ajouter qu'il y a des études qui ont montré que... Donc il y a de plus en plus d'actions qui sont faites dans les écoles à l'éducation au développement durable. Et donc lors de ces actions, on explique aux jeunes générations que ça va être à elles de changer les choses. Et il y a des études qui ont été faites sur ces générations qui grandissent. Et ensuite, on leur pose la question sur qui sera amené à changer les choses. Et en général, c'est les enfants. Donc en fait, on repose tous nos espoirs sur les générations suivantes. Et c'est un état d'esprit, c'est peut-être cet état d'esprit-là qu'il faudra changer. Les mots de la fin, là ? S'il y a une fin... Non, mais je suis d'accord avec Anne, hein, c'est plus facile d'apprendre à des enfants que d'apprendre à des adultes. Il y a moins de résistance, on va dire. Hein, et donc... généralement, quand on comprend les choses, on peut choisir après, en toute conscience. Voilà, j'ai choisi de pas prendre ma voiture parce que, voilà, j'ai choisi de prendre ma voiture parce que, bon, après, la bonne raison pour l'atmosphère, pour l'environnement, je sais pas laquelle, mais ils en ont sûrement. Mais après, est-ce qu'ils en ont une bonne? Enfin, quand on donne les outils pour comprendre, je pense qu'après, c'est plus facile de faire le choix. Et aussi, c'est plus facile d'imposer une réglementation. De quoi tu dis ? J'ai pas compris. Après, c'est aussi plus facile de réglementer sur quelque chose de compris que de réglementer sur quelque chose de pas compris. Et donc, quand on comprend que, voilà, si je fais ça, ça va avoir telle action sur mon environnement directement. Enfin, là, l'air, ça concerne tout le monde. On peut pas... C'est mondial. Hein. Nous, on pollue ici, et après, notre pollution, elle part ailleurs. Hein, et vice-versa. Hein, on est dans le même bocal. Hein. Donc, c'est pas... C'est tout le monde. Toi qui as le recul, là, tu dis que c'est dingue, cette discussion. Hein. T'as vu comment elle est restée calée Hein? T'as envie de dire quelque chose? Non? Tout va bien? Bon, bah, merci à vous, alors. Hein.